30 janvier dernier, la presse américaine révélait le fait que la directrice du CDC, le Centre pour le contrôle des maladies, un organisme public, avait massivement investi dans des actions des industriels du tabac, ainsi que dans des groupes pharmaceutiques et des assurances, conduisant ainsi à sa démission. En France, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a été accusée à l'automne dernier d'avoir pris des mesures favorables à son mari, Yves Lévy, qui préside l'INSERM. Preuve en est que malgré le train de mesures législatives adoptées au lendemain du scandale du Mediator, le problème des conflits d'intérêts, aussi bien dans le domaine institutionnel que dans la recherche et jusque dans la pratique médicale, est loin d'être réglé. La recherche sans conflit d'intérêts est-elle possible? C'est le vaste problème que nous nous proposons de résoudre dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour essayer d'y voir plus clair et de comprendre comment en finir ou en tout cas limiter ces pratiques, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Anne Laude. Bonjour. Bonjour. Vous êtes doyen de la faculté de droit de l'université Paris Descartes, co-directrice de l'Institut INSERM Droit et Santé. Bonjour William Dabb. Bonjour. Vous êtes ancien directeur général de la santé, titulaire de la chaire hygiène et sécurité du Conservatoire national des arts et métiers. Et vous nous avez fait savoir également que vous avez accepté il y a 6 mois un poste de consultant en formation pour l'entreprise Saint-Gobain, poste qui vous a conduit par ailleurs à renoncer à la présidence d'une commission chargée de produire un rapport sur l'amiante pour le ministère du Logement. Vous vouliez nous en dire un mot ? Oui, c'est pas un poste que j'ai accepté, c'est une relation d'ailleurs occasionnelle où j'ai aidé le groupe Saint-Gobain à former ses managers à la prévention en santé au travail. Et par ailleurs, depuis un peu plus d'un an, je préside cette commission qui s'appelle la CEVALIA, qui est chargée d'évaluer les innovations dans le domaine de l'amiante. Et ça illustre bien le climat que vous disiez à l'instant, c'est que dans ce contexte d'ultra-sensibilité sur ces questions-là, j'ai jugé préférable, pour protéger la réputation de cette commission, d'en rester membre et de m'appliquer évidemment les procédures de déclaration de conflit d'intérêts, mais de ne plus en assurer la présidence. Beaucoup de mes collègues, d'ailleurs, trouvaient que cette position était tout à fait excessive et que la déclaration du lien suffisait. Mais j'ai quand même jugé que dans le climat actuel, il valait mieux être prudent. Eh bien écoutez, voilà, c'est dit, et puis c'est l'émission certainement idoine pour le signaler. Vous pouvez comme toujours, hein, puis on va vous mettre tout au long de l'heure, suivre cette émission sur les ondes et sur notre fil Twitter @laméthodefc, et puis à nous aussi de faire un peu de mise en contexte, voire de mea culpa en l'occurrence, puisque l'idée de cette émission est née après avoir reçu le vice-président de la Fédération française de cardiologie, Gérard Elft, à propos de la prescription de statines, émission au cours de laquelle il a évidemment été question des problèmes liés au conflit d'intérêts dans la cardiologie. Nous y reviendrons certainement au cours de cette heure, et où il nous a été sévèrement reproché par un certain nombre d'auditeurs de ne pas avoir mentionné dans le détail les 144 mentions de liens d'intérêts mentionnés à propos de Gérard Elft dans la base Transparence Santé qui est accessible au public. Alors voilà, chose faite, ça l'avait déjà été dans une émission précédente. Peu importe, la question pour commencer, qui est une question simple que je vais vous poser, ces conflits d'intérêts et le contexte d'extrême sensibilité que vous notiez, William Dabb, étant ce qu'ils sont aujourd'hui, pourquoi ne pas simplement interdire toute forme de lien ou de conflit d'intérêts entre les entreprises, les industriels, en l'occurrence dans le secteur de la santé biomédicale, mais quel que soit le secteur, et les praticiens ou les chercheurs? Anne Laude. Alors, interdire les liens d'intérêt, c'est difficile, puisque il peut y avoir des liens d'intérêt qui soient financiers, il peut y avoir également des liens d'intérêt qui soient d'ordre intellectuel, parce que c'est le patron de telle personne qui est aujourd'hui l'expert, qui est en position particulière. Donc, interdire ces liens, c'est difficile. Est-ce que c'est souhaitable aussi ? Pas forcément. En revanche, Ce qui est répréhensible, ce sont les conflits d'intérêts. C'est-à-dire quand on ne déclare pas son lien et quand on ne sait pas que la personne qui avait un lien d'ordre financier, par exemple, avec un laboratoire pharmaceutique, est dans une position soit d'expertise, soit de prise de décision, qui, du fait de son lien d'intérêt financier, par exemple, se trouve dans une situation qui n'est pas objective pour pouvoir juger de la mise sur le marché du produit ou autre. Donc, ce qui est répréhensible, c'est le fait de ne pas déclarer ce conflit, enfin ce lien qui peut devenir conflit s'il place l'expert dans une situation délicate. William Dabb. Je partage tout à fait le point de vue de ma collègue. Je pense que même dans le pire état policier, il ne serait pas possible de vérifier l'absence de tout lien d'intérêt. Ce qui est dangereux, c'est exactement ce que vous disiez à l'instant, ce sont les liens camouflés. Voilà. Qu'on définit donc comme conflit. On va revenir sur la définition juridique, mais en l'occurrence, un lien camouflé est donc un conflit, puisqu'on estime qu'il y a... Un conflit potentiel. Potentiel. Mmh. Mais on ne peut pas le savoir justement parce qu'il est camouflé. Et je pense que, je le redirai peut-être à plusieurs reprises, ces liens d'intérêt sont nécessaires. Nous ne sommes pas dans un monde abstrait où il n'y a pas de relation entre les uns et les autres, et nous ne sommes pas dans un monde dénué de conflits d'intérêt au sens où il y a des intérêts conflictuels et qui sont particulièrement forts dans le domaine de la santé. Donc je ne pense pas qu'il faille chercher à les éradiquer. Il faut, je crois, au contraire, utiliser ça comme un matériau pour faire progresser la transparence et la justesse des décisions. Ces conflits d'intérêts, on viendra tout à l'heure à la définition juridique, mais ils sont multiples. Je parlais dans l'introduction de deux exemples, un avéré qui est celui de la directrice du CDC qui a démissionné parce qu'elle avait des actions dans l'industrie du tabac, dans l'industrie pharmaceutique, et ce qui était incompatible avec son poste de directrice du Center for Disease Control, du centre de contrôle des maladies aux États-Unis. Mais ça peut être tout aussi bien, eh bien ce que j'évoquais, c'est-à-dire des liens de famille, mon médecin traitant qui va avoir la main plus facile pour me prescrire tel type de médicament parce que il a été invité dans un week-end relais château. Je caricature un peu, mais enfin néanmoins, il y a toute une gamme de conflits d'intérêts. Anne Laude, est-ce qu'ils sont tous aussi dommageables? Est-ce qu'ils sont tous aussi répréhensibles? Et comment faire? Est-ce qu'on peut déjà les répertorier dans leur intégralité? Alors oui, on peut les répertorier dans le sens où, j'allais dire, le lien d'intérêt qui peut devenir conflit lorsqu'il n'est pas déclaré, auquel on songe le plus spontanément, j'allais dire, c'est le lien financier. Soit d'ailleurs de l'expert qui est en position d'être financé, par exemple, pour l'industrie pharmaceutique pour laquelle il doit évaluer le produit, soit de manière indirecte. C'est-à-dire, par exemple, ce n'est pas lui qui est salarié ou qui a un lien financier avec l'industrie, mais un de ses conjoints ou quelqu'un de sa famille. Mmh. Donc ça, c'est une première hypothèse. Une autre hypothèse aussi, et là qui est beaucoup plus difficile à déceler, c'est le lien intellectuel. C'est-à-dire, vous avez eu un patron qui est une école, je ne sais pas, de chirurgie ou autre, peu importe, et vous avez un peu de mal à vous défaire de cette situation, j'allais dire intellectuelle, de domination dans laquelle vous avez été. On rend des services, en fait, parce qu'on rend des services où on n'ose pas ne pas rendre le service qu'on vous demande, parce que vous avez été agrégé par ce patron et que... Ou ce professeur, ou quelqu'un qui a une autorité intellectuelle sur vous. Absolument. Et donc ça, c'est peut-être le plus délicat à percevoir. Et c'est peut-être aussi ce qui peut avoir une influence importante dans nombre de décisions, hein, y compris par exemple des choses plus anodines comme des recrutements à des postes divers et variés. William Dabb, on parle quand même souvent, quand on parle de conflit d'intérêts, on pense souvent au volant qui est peut-être le plus visible, comme vient de le dire Anne Laude, mais en tout cas au volet financier. Alors financier, pas forcément en monnaie sonnante et trébuchante, mais en un certain nombre d'avantages que l'on connaît, peut-être des repas offerts, des week-ends, des biens, des cadeaux, enfin toute façon qui peut pousser un praticien, un chercheur, un expert à avoir un avis plus favorable, même pas forcément avec en faisant preuve de malhonnêteté intellectuelle, juste parce que, bien à force d'être sollicité, on finit par avoir la main un peu plus leste, disons. On est rarement totalement neutre dans les jugements que l'on prend. Il y a des degrés de gravité qui sont différents. Historiquement, je crois qu'il faut se rappeler que quand même, et c'est peut-être un des conflits les plus graves qu'on ait eu, et qui concerne la transmission transfusionnelle du sida. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'était pas un avantage financier personnel de la part du directeur de ce qu'était le Centre national de transfusion sanguine à l'époque, mais pour protéger les finances de son organisation, il a continué de mettre sur le marché des lots de sang non chauffés, alors qu'on savait à cette époque que le chauffage était efficace, et il a, comme cela, écoulé ses stocks. C'est certainement cette histoire-là de sécurité sanitaire qui a mis sur la place publique dans les années 80-90 cette problématique. Et là, il y a eu des conséquences quand même terrifiantes, puisque de nombreuses personnes transfusées et hémophiles en sont décédées. Vous voyez, donc, c'était pas un intérêt financier personnel. Il défendait son institution. Donc ça aussi, je crois que, voilà, ça joue beaucoup. Et dans nos rôles professionnels, nous sommes tous amenés à défendre des positions. Et un journaliste, vous-même, vous l'évoquiez à l'instant, vous allez évidemment spontanément défendre votre maison. Ceci n'est pas nécessairement nuisible, encore une fois. Ce qu'il faut absolument, c'est avoir des procédures de révélation, au sens photographique du terme, et de traitement collectif de ces situations-là. Chercher l'expert idéal, indépendant, qui n'aurait aucun lien, aucun conflit avec personne, me semble vain et ne me semble pas souhaitable. Mais en revanche, il faut qu'il y ait un traitement social, scientifique, collectif de ces situations. Et là, je pense qu'on a encore des progrès à faire. Alors, oui, Anne-Laude ? Oui, je voulais juste rebondir sur un point, effectivement, sur la partie révélation et traitement social de ces conflits d'intérêts, en disant, finalement, ce qui compte dans une décision, par exemple, de mise sur le marché d'un médicament, c'est que l'expert qui a des liens d'intérêt, plus exactement, qui les déclare, puisse se déporter pour ne pas être en conflit et pour ne pas voter, pour ne pas faire pencher la balance dans un sens ou dans un autre. Que ce soit donc une décision individuelle, une décision personnelle, une décision déontologique, c'est ce que vous dites. Oui, à la fois personnelle, bien sûr, donc il faut qu'il fasse une déclaration, mais qu'on puisse aussi lui dire et acter de ce qu'il s'est bien déporté, si jamais il y a un doute a posteriori, et qu'il n'a pas pris part, par exemple, à la décision. Une question peut-être, puisque vous évoquiez, William Dabb, l'affaire du sang contaminé. On a tout de même le sentiment qu'effectivement, après cette affaire, et puis au fur et à mesure, ces questions de conflit d'intérêts sont devenues de plus en plus sensibles, qu'elles ne l'étaient pas, on peut dire, ou qu'elles l'étaient beaucoup moins, en tout cas, il y a 50, 60, 70 ans qu'on y a fait. Vous faites un geste, William Dabb, vous dites finalement tout le monde s'en fichait il y a 60 ans, les conflits d'intérêts, les médecins étaient rémunérés par les pharmaciens, grosso modo, j'exagère, mais... Au vu et au su de tout le monde, oui, absolument. Vous pensez que le basculement paradigmatique, c'est les années 80 ? Ah, clairement, je crois que le sang contaminé est vraiment... C'est une rupture historique, quoi. Parce qu'il y a des conséquences avec des victimes identifiables. Et là, clairement, quand il y a eu un choc entre un intérêt économique et un intérêt de sécurité sanitaire, et c'est l'intérêt économique qui a prévalu. Et donc ça a créé chez tous les responsables et dans l'opinion, effectivement, ce sentiment que lorsque l'économie est en conflit avec la protection de la santé, l'économie est plus forte. Et ça, pour notre démocratie, c'est quelque chose de très déstabilisateur. Et donc plusieurs de nos gouvernements se sont attelés à essayer d'atténuer cette asymétrie, oui. Anne-Laude. Je pense qu'effectivement, les années 80 sont un tournant dans, en tous les cas, en France, de la prise en compte et de ces conflits d'intérêts avec, comme vous le disiez justement, un vrai souci, un vrai besoin de transparence aussi à partir de là. Et surtout aussi, parallèlement, me semble-t-il, une volonté des patients de savoir. Et du coup, en parallèle, on a vu monter aussi une notion que l'on a appelée la démocratie, qu'on appelle encore la démocratie sanitaire, c'est-à-dire le fait pour les patients de pouvoir d'abord exprimer leur position, de pouvoir être aussi membre dans les conseils d'administration des différentes agences pour faire entendre leur voix, membre aussi de ces instances qui vont décider soit du remboursement d'un médicament, soit de sa mise sur le marché, par exemple. Donc tout ça est effectivement concomitant d'une évolution absolument essentielle. Médicaments. Médicaments. Voulez-vous prendre ceci, je vous prie? Ce sont des pilules, ça vous soignera. La méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h16, nous parlons des conflits d'intérêts dans le domaine de la santé, mais nous allons voir que ces questions de conflits d'intérêts ne se limitent pas au domaine de la santé, qui peuvent se poser dans d'autres domaines de la recherche. Nous en parlons avec Anne-Laude et William Dabb. Vous parliez William Dabb, donc, et nous l'évoquions à l'instant de cette bascule des années 80 avec le scandale du sang contaminé. Malheureusement, les conflits d'intérêts ont continué jusqu'à d'autres affaires et jusqu'à assez récemment, évidemment, l'affaire du Mediator qui a remis amèrement en lumière la dangerosité des conflits d'intérêts, souvenez-vous. Le Mediator est la tragique révélation d'une emprise de l'argent sur la santé depuis des décennies. Certains responsables de santé publique sont en fait pratiquement à temps plein des employés des labos, finalement très bien payés. Il est bien clair que ce système doit être totalement révolu. Un système tentaculaire au cœur de la santé, c'est ce qu'ont découvert les différents acteurs de l'affaire Mediator, à commencer par les victimes. Je n'ai pas levé le doigt pour qu'on me donne du Mediator. Nous sommes des êtres humains, nous avons une pensée et ça suffit. On a ainsi vu des salariés de l'industrie obtenir des postes à haute responsabilité dans les cabinets des ministres, mais aussi à l'agence du médicament, le contrôlé devenant le contrôleur, puis être de nouveau débauché par l'industrie. Irène Frachon est la pneumologue qui a révélé le scandale. Moi, ce que j'ai réalisé, et c'est ça qui m'a scandalisé, c'est que le gendarme ne faisait pas son job. En grande partie parce qu'il en est en réalité empêché par le lobbying de ces industries pharmaceutiques qui est très puissant et qui est vraiment au cœur de l'agence du médicament, donc là où le gendarme devrait être serein, totalement indépendant. On a vu les laboratoires financer les médecins, leaders d'opinion et les sociétés savantes. Construire des carrières universitaires et contrôler la formation médicale et la recherche. Tant que pour aller dans un congrès médical ou pour avoir de l'information médicale ou de la formation médicale, il faut dépendre d'un financement de celles et ceux qui ont intérêt à ce qu'on vende le plus de médicaments possible, eh bien, les catastrophes sont possibles. Voilà, un montage, extrait des différents journaux télé au moment de l'affaire du Mediator. On est plus de 20 ans après l'affaire du sang contaminé et pourtant on arrive à un scandale qui n'a peut-être pas l'ampleur de celle du sang contaminé, mais qui est tout de même un scandale de grande ampleur et qui montre que les pratiques non seulement ont perduré, mais se sont institutionnalisées. On entendait dans l'agence du médicament, au sein des grandes institutions de santé. Quelle est votre réaction aujourd'hui quand on réentend ces archives-là, William Dabb? Personnellement, je pense qu'il faut aller un petit peu plus loin. Parce que je trouve ça assez facile d'accuser les conflits d'intérêts d'avoir créé ce drame du Mediator. Ils ont existé, je ne veux absolument pas le nier. Mais il faut aller plus loin, il faut raisonner de façon plus systémique. Quel est ce système qui se laisse prendre en otage de conflits d'intérêts? Et fondamentalement, je crois que ce qui a permis de ça, c'est que nos capacités de surveillance et d'évaluation des risques des médicaments sont insuffisantes. Et comme on laisse une grande part des effets secondaires des médicaments dans l'ombre, eh ben, c'est comme cela que les conflits ou les liens d'intérêt en viennent à gouverner le système. Mais si nous avions un système de surveillance des effets des médicaments digne de ce nom, aussi fort que soient les liens d'intérêt, c'est pas eux qui gagneraient. Ça, c'est une chose, mais on a bien vu, Anne Laude, que ce scandale du Mediator, d'ailleurs, va donner lieu à une loi, hein, la loi Bertrand, qui est prise dans la suite de ce scandale et dont on va reparler dans un instant. Mais le Mediator, ça n'est pas le seul médicament où, d'un seul coup, le problème central, indépendamment de ce que vient de dire William Dabb sur le problème lié aux effets secondaires qui sont effectivement peut-être peu, pas assez ou pas suffisamment adressés, quand on voit ce qui s'est passé pour le distilbène, ce qui s'est passé pour l'amiante également, ce qui s'est passé pour le plomb dans l'essence, on a l'impression que dans toutes ces affaires et derrière tout scandale sanitaire, il y a à un moment donné un effet de ralentissement de la prise du de la révélation publique, ralentissement lié systématiquement à des conflits d'intérêts. Oui, vous avez raison. À chaque fois dans ces affaires de santé publique, on a le sentiment à un moment qu'a posteriori, on a la révélation d'un lien qui finalement a conduit à une prise de décision qui n'était soit pas opportune, soit donc qui n'aurait pas dû avoir lieu, soit qui a été biaisée parce que on ne savait pas que tel, par exemple, professeur de médecine, lorsqu'il intervenait, il était par ailleurs financé par l'industrie. Donc oui, vous avez raison, toutes ces affaires, compris bien sûr l'affaire du Mediator, mais pas seulement des affaires en France d'ailleurs, hein. Des affaires aussi, par exemple à l'OMS, au moment de H5N1, on a entendu aussi, voilà, entendu cette problématique. En Europe aussi, auprès de l'Agence européenne du médicament, on a entendu aussi la problématique des conflits d'intérêts, avec quelque chose qui a conduit à la défiance aussi du public vis-à-vis de ces produits. Et c'est ce qui est difficile aujourd'hui, c'est que cette défiance, elle est très forte. Et finalement, bien que vous le disiez justement, la loi Bertrand est conduite à une réglementation, on a l'impression que c'est difficile maintenant de revenir sur quelque chose qui a cassé quand même le système à un moment donné. La question, pour formuler ça différemment, William Dabb, est-ce que on n'est pas face à une situation qu'on pourrait résumer ou imager par de David face à Goliath, c'est-à-dire qu'on est face à des industries qui ont quand même une puissance de frappe financière gigantesque, face à des personnes qui sont à des endroits de responsabilité, à des endroits pivots, face à des êtres humains qui sont faillibles comme nous le sommes tous, et donc face à un jeu qui est par essence faussé parce qu'il y aura toujours quelqu'un de faillible à un moment donné à un de ces postes décisionnaires. Et encore une fois, cette faiblesse ne prend réellement de l'ampleur que quand on est en situation d'incertitude. Dans le cas du Mediator, le point est qu'il n'y a pas eu de décision. C'est-à-dire que il y a eu des signaux de pharmacovigilance, ils n'ont pas été correctement traités, analysés, approfondis, hein, jusqu'à ce que le travail du docteur Frachon révèle réellement la réalité médicale de ce problème. Et vous aviez à l'époque une agence du médicament qui est quand même forte, voilà, dont j'ai eu la tutelle, hein, qui est forte de 1000 agents, mais qui était entièrement, presque entièrement tournée vers un travail de nature juridique et non pas un travail de nature médicale et scientifique. Face au Goliath que représente évidemment les firmes pharmaceutiques, nous ne sommes pas démunis. Nous avons en France la plus grande base de données médicales du monde. Aucun pays du monde n'a la base de données de la CNAM, informatisée, accessible aux chercheurs, et qui permet de mener des travaux de grande ampleur d'évaluation des risques. Mais enfin, à réaliser une chose, hein, c'est qu'en 2017, en France, le nombre de projets financés par l'Institut de recherche en santé publique sont de 17. Hein, dans un pays comme la France, 17 projets de recherche financés en santé publique par des fonds publics. Donc je maintiens que on ne peut pas dissocier cette problématique des conflits d'intérêts de la faiblesse de l'investissement public en matière d'évaluation des risques, des effets secondaires des médicaments et des produits. Anne-Laude. Oui, je veux bien rebondir sur ce dernier point. La faiblesse de la pharmacovigilance, oui, peut-être dans le cas de Mediator, mais je ne suis pas certaine, et on le voit aujourd'hui avec l'Evothyrox, que dans l'Evothyrox, c'est précisément des effets indésirables nombreux qui sont révélés et qui conduisent les pouvoirs publics, du coup, à se préoccuper du changement de ce médicament dans sa nouvelle formule. Donc là, on a beaucoup d'effets indésirables qui sont vrais ou non, qui ont une ampleur particulière parce que développés sur les réseaux sociaux. Et là, précisément, on a une pharmacovigilance qui est presque trop importante pour faire vraiment prendre conscience de quelle est la difficulté et qui est presque du coup problématique aussi. Donc oui, la pharmacovigilance peut être un signal. Elle était sans doute insuffisante dans le cadre de la remontée pour les effets secondaires de Mediator. Bon, je ne sais pas si pour Mediator, on avait une particularité dans le cadre de cette absence de remontée de pharmacovigilance. C'était qu'on avait affaire à un produit qui était prescrit, ce qu'on appelle hors AMM, c'est-à-dire en dehors de sur le marché. Voilà, de ces indications thérapeutiques. William Dabb. On va pas faire le débat sur le Levothyrox parce que ce n'est pas le cœur de cette émission. Mais juste le point sur le Levothyrox. Parce que la même histoire est survenue il y a 10 ans en Nouvelle-Zélande. La même. Et quand l'agence du médicament en France prend cette décision-là, elle n'a pas cette histoire en tête. Cette histoire était entièrement prévisible. Entièrement prévisible parce que historiquement, elle était déjà survenue. Donc je maintiens ici qu'il y a une faiblesse de culture du risque et un excès de culture juridique qui nous conduit à cette situation. Et on va renvoyer nos auditeurs aux différentes émissions que nous avions consacrées, notamment dans les vendredis Actualité des sciences et de la recherche, à cette question du Levothyrox. On va revenir à cette question qui nous occupe aujourd'hui, qui est celle des conflits d'intérêts et de la façon que l'on peut avoir, que l'on pourrait avoir de les réduire, d'en diminuer la portée. Vous le disiez, Anne-Laude, tout à l'heure, c'est un poison lent parce que c'est une fabrique du doute pour les citoyens, que ce soit, et c'est un doute à tous les étages, c'est-à-dire un doute auprès du médecin traitant, on doute de la prescription du médecin en disant mais est-ce qu'il n'a pas finalement été financé, est-ce qu'on lui a pas graissé la patte pour qu'il me donne, pour qu'il me prescrive tel type de médicament, c'est un doute au niveau des institutions, un doute sur les médicaments en disant est-ce que ces médicaments après les scandales du Mediator finalement ont été mis sur le marché pour des bonnes raisons, c'est un doute au niveau des institutions quand on voit une fois de plus et pour le moment évidemment ça n'est qu'une suspicion, mais en tout cas une décision prise par la ministre de la Santé qui est favorable à l'INSERM. Or, elle est mariée avec Yves Lévy, qui est le président de l'INSERM. Aujourd'hui, comment faire pour rétablir la confiance, pour supprimer ce poison du doute qui est créé par les conflits d'intérêts? On voit bien que là, on parle de conflits d'intérêts très divers qui vont de conflits d'intérêts financiers avec vraiment des sommes assez importantes à juste des conflits d'intérêts intellectuels ou familiaux. Est-ce qu'il y a des pistes aujourd'hui qui vous semblent intéressantes à exploiter, Anne-Laude? Oui, alors il y a déjà des pistes que le législateur a retenues et adoptées, parce que il me semble que l'arsenal juridique, il s'est construit certes progressivement, mais il est finalement quelque part ancien dans la mesure où déjà en 1993, on avait une première loi qui venait statuer et interdire sur ce qu'on appelle la possibilité pour les professionnels de santé, par exemple, d'avoir des avantages en nature et en espèces, ou de devoir du moins les déclarer. Après, on a eu un autre arsenal législatif qui s'est construit, et notamment post-Mediator, du fait de la loi Bertrand, qui a été tout ce qu'on appelle les déclarations publiques d'intérêt. Et vous disiez tout à l'heure, oui, les gens des cabinets ministériels, oui, les dirigeants des agences, oui, à tous les niveaux, maintenant, les décideurs politiques doivent faire une déclaration publique d'intérêt dans laquelle ils doivent retranscrire en quelque sorte tous les liens financiers, notamment que eux ou un proche, un de leurs proches, a eu pendant les 5 années précédentes au moment où ils vont devoir prendre une décision ou siéger dans une administration, quelle qu'elle soit. Donc ça, c'est important. Et puis, le post-médiator, c'est effectivement de devoir déclarer sur un site transparence.gouv.fr voilà, à la fois les conventions que l'on peut avoir avec, entre un professionnel de santé et l'industrie pharmaceutique, et puis aussi tous les avantages, soit, dès lors qu'ils, soient de plus, voilà, qu'ils sont de plus de 10 euros. 10 euros, c'est ça. C'est-à-dire, quelles que soient, c'est-à-dire des interventions dans des conférences, toute absolument, forme. Absolument, le stylo qu'on vous offre dès lors qu'il est de plus de 10 le euros. Le fameux week-end dans les relais châteaux qu'on évoquait absolument tout à l'heure. Un mot justement, William Dabb, sur cette base transparence.gouv.fr, elle est sur une base déclarative. Est-ce qu'une base déclarative, aujourd'hui, c'est suffisant? Qu'est-ce qui m'empêche, moi, de dire... voilà, en sortant de cette émission, je vais toucher un gros chèque de telle industrie. Je ne le déclare pas. Voilà. Mais encore une fois, je pense que la loi peut faire beaucoup de choses. Elle était absolument indispensable. Mais la loi n'est pas le seul outil. Je pense que les règles juridiques sont une chose. Et puis après, il y a les procédures. Et je pense qu'il est, important que dans toutes les instances d'expertise publique, il y ait des règlements intérieurs qui soient discutés, votés et appliqués par ceux qui sont en charge de faire fonctionner ces instances d'expertise publique. La plupart d'ailleurs des grandes agences sanitaires en ont, se sont même dotées de responsables de déontologie. Et donc, je pense que les procédures d'action collective sont aujourd'hui... la loi était absolument indispensable, mais elle ne pourra pas aller dans tous les détails des situations individuelles qui doivent être collectivement analysées dans le cadre de procédures explicites, définies. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est la voie pour avancer et éviter ces graves dérives. Vous parlez d'action collective. Hein, le 16 février dernier, il y a 59 patients atteints de la maladie de Lyme ou qui se disent atteints de la maladie de Lyme qui viennent de porter plainte pour conflit d'intérêts entre les laboratoires et les autorités. Vous pensez que l'action collective, l'action publique, que la publicité, que les réseaux sociaux, que cette transparence de l'information aujourd'hui, c'est une arme qui échappe peut-être au pouvoir public, mais en tout cas, c'est une arme contre ces conflits d'intérêts? Je pense qu'effectivement, l'action de groupe en santé, depuis qu'elle a été initiée notamment par la loi Touraine, la loi de 2016, est sans conteste, me semble-t-il, un mode d'action pour les victimes qui permet d'une part de prendre conscience de cette difficulté, du coup à plus grande ampleur, puisque les victimes sont du coup plus nombreuses. Elles n'auraient peut-être jamais agi toutes seules pour des tas de raisons s'il n'y avait pas cette possibilité d'avoir une action collective. Et oui, je pense que l'action collective, elle a aussi un effet dissuasif, par exemple pour un laboratoire pharmaceutique ou une autre entreprise qui a peut-être pas du tout envie de voir son nom diffusé dans la grande presse. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Keep It Healthy, gardez-le en bonne santé, si on peut le traduire comme ça, de Warpaint à 16h35 sur France Culture. Nous parlons de santé beaucoup, mais on va essayer d'étendre un peu parce que les conflits d'intérêts ne concernent pas que le secteur de la santé. On va en parler dans quelques minutes avec Anne Laude, qui est doyenne de la faculté de droit de l'Université Paris-Descartes, co-directrice de l'Institut INSERM Droit et Santé, et William Dab, qui est ancien directeur général de la santé, titulaire de la chaire Hygiène et Sécurité du Conservatoire National des Arts et Métiers. On a parlé de la loi Bertrand, et puis on va y revenir hein, sur l'arsenal législatif qui peut aider à lutter contre ces conflits d'intérêts. Mais suite à un rapport du comité d'éthique du CNRS, le rapport Corvol, le Haut Comité de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur a créé il y a un an, en mars 2017, ça va faire un an presque jour pour jour, l'Office français de l'intégrité scientifique. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes allée mettre à l'épreuve votre propre intégrité en tant que chercheuse. En tant que journaliste, j'ai envie de dire. Alors j'ai rencontré Olivier Le Gall, qui est président de l'Office. Il m'a expliqué en quoi cette organisation indépendante sera utile dans la prévention des conflits d'intérêts. Alors ce n'est pas une autorité, mais bien un conseil, avec des experts de pays et de disciplines différentes. Et de son point de vue de chercheur à l'INRA, il m'a fait part de son ressenti face à la pression subie par les scientifiques sur des sujets aussi sensibles que les OGM. L'Office ne sera pas un tribunal, et donc les questions de conflit d'intérêts, ou en tout cas de gestion des liens d'intérêts qu'il peut y avoir dans l'expertise ou dans d'autres domaines, ça c'est des questions qui seront prises en charge de l'amont à l'aval. Une des caractéristiques du travail de l'Office, c'est qu'on est très très large. Donc moi-même, effectivement, je suis agronome, on va dire, pour faire court. Il y a des gens qui sont du domaine médical, il y a des gens qui sont des littéraires, il y a des gens qui sont des domaines des sciences sociales, etc. Et le travail sur l'intégrité scientifique doit couvrir tous ces domaines-là de façon très vaste, avec quand même des valeurs communes dans l'intégrité. Et donc c'est comme ça qu'on va essayer de travailler, en lien avec les référents intégrité scientifique de chacun des établissements où se fait de la recherche ou de l'enseignement supérieur, et en lien aussi avec la formation. Oui, vous parlez de formation, est-ce que vous envisagez des modules, des sessions dans l'enseignement supérieur, là où les étudiants seront des futurs médecins ou professionnels de la santé? Oui, voilà, exactement, c'est ça, et dont on supervisera la mise en place de ces formations dans les différentes filières d'enseignement. Déjà aujourd'hui, par exemple, suite d'ailleurs au rapport de Pierre Corvol de 2016, aujourd'hui, dans l'arrêté qui définit ce qu'est une formation doctorale, il est indiqué qu'il y a une formation à l'intégrité scientifique qui est intégrée à ça, et puis il faut que ça remonte plus en amont, et puis il faut que ça aille plus loin dans la vie des chercheurs, parce que quand on aura remplacé tous les chercheurs actuels des laboratoires par des gens qui sont actuellement en thèse, il se sera écoulé 40 ans. Et donc il faut qu'on aille dans la vie des chercheurs. J'ai l'habitude de dire, il faut qu'on aille parler d'intégrité, c'est pas vraiment de la formation, c'est plus du partage d'une culture commune. C'est important qu'il y ait des règlements, c'est important qu'il y ait une réglementation, et c'est important surtout qu'il y ait aussi, pour l'accompagner, une culture partagée. Parce que le premier garant, finalement, de l'absence de conflit d'intérêts dans une situation particulière, c'est la personne qui serait en conflit d'intérêts, la personne qui a des liens d'intérêts et son entourage immédiat qui voit se dérouler ces liens d'intérêts. C'est eux les premiers qui peuvent dire non, cette situation, il ne faut pas se mettre dans cette situation-là, on peut l'éviter de telle et telle façon. Des fois, les liens d'intérêts, ce n'est pas forcément dramatique, au contraire. Dans une situation, par exemple, où on est en situation d'expertise, où on est en situation de faire une recherche, les liens d'intérêts font partie. Et puis, somme toute, l'espèce humaine est une espèce sociale et par conséquent, tout le monde est en relation les uns avec les autres. Donc, les liens intérêts font partie de la vie, il faut savoir les gérer. De temps en temps, la meilleure façon de les gérer, c'est de les interdire, de les éviter quand c'est vraiment trop trop prégnant, mais il faut savoir les gérer. S'il y avait une absence totale de lien d'intérêt dans un panel d'experts, par exemple, des fois, ça peut être un panel sans intérêt. Voilà. J'ai été membre du conseil scientifique du Haut Conseil des biotechnologies pendant plusieurs années, et c'était assez frappant de voir qu'à chaque fois qu'on rendait un avis, je crois qu'on le rendait d'une manière neutre et mesurée et scientifique. À chaque fois qu'on rendait un avis, si l'avis n'était pas totalement négatif sur les OGM, il était tout de suite critiqué, et notamment ceux qui émettaient l'avis, c'est-à-dire les membres du Conseil, étaient tout de suite critiqués pour leur supposé lien d'intérêt avec l'industrie phytosanitaire, etc., et alors que c'est évidemment complètement faux. Du coup, ces questions sur lesquelles on avait travaillé, nos liens d'intérêt étaient en ligne, etc., étaient disponibles. Hein, Donc vous étiez critiqué pour des données purement scientifiques, et dès lors qu'elles ne correspondaient pas à une certaine opinion, vous aviez des problèmes? Voilà, c'est ça, on était très critiqués par avance ou a posteriori parfois sur les avis qu'on rendait. Qui formulait ces critiques? C'était des critiques qui sortaient dans la presse, etc. Donc c'était assez lourd à supporter par moments. Et en fait, une des conséquences de ça, c'est que année après année, l'expertise s'érode, parce que pour être chercheur dans ces domaines-là, il faut aussi accepter cette pression. Et un chercheur n'est pas forcément quelqu'un qui a envie d'être militant, militant, en plus militant pro-OGM, pro-techno, c'est pas le profil en plus des chercheurs. La conclusion de ça, les programmes de recherche pour travailler sur ces technologies sont des programmes qui ont été peu à peu arrêtés. Bon, peut-être tant mieux, ça correspond à un choix démocratique, mais là où ça commence à être grave, c'est quand du coup l'expertise elle-même s'érode, parce que les chercheurs qui produisent la connaissance n'ont plus dans ce domaine-là pu continuer à faire leur métier de chercheur. Alors qu'il y aura un besoin dans l'industrie d'avoir un avis éclairé et objectif concernant l'avancement des sciences au niveau fondamental. Voilà, alors qu'on a besoin d'avoir un avis justement qui soit partagé et qui soit un avis construit sur la base d'une vraie expertise et d'une expertise technique. Et cette expertise technique, elle ne peut pas se produire dans les mains de quelqu'un d'autre que celui qui, à un moment donné, fait les expériences qui correspondent, et donc de manière encadrée, bien sûr. Et peut-être que ce qui résume la situation de conflit d'intérêts, c'est le conflit qu'il y a dans la tête d'un chercheur qui est à la fois un chercheur et un savant. C'est la même personne, c'est le même métier. Et pourtant, c'est deux mots qui veulent dire exactement l'inverse. Il y en a un qui cherche, parce qu'il ne sait pas, sous-entendu, et un qui sait, le savant, il sait, et donc il n'a pas besoin de chercher. Et en fait, c'est le conflit d'intérêts, sans doute, il se trouve à la frontière entre ces deux composantes-là du métier de chercheur, entre celui qui sait et qui peut mettre cette expertise, ce savoir au profit d'une expertise, et celui qui cherche et qui continue à surfer sur de l'inconnaissance dans son domaine, puisqu'il cherche. Voilà le reportage du jour à l'Office français de l'intégrité scientifique. Une réaction à ce que vous venez d'entendre, William Dab ? Je suis très sensible à ce que ce collègue vient de dire, parce que il décrit très bien l'état de méfiance dans lequel nous sommes et sa conséquence qui est le procès d'intention. Et ça, c'est extrêmement dangereux. C'est dangereux pour la science et c'est dangereux pour la démocratie. Il faut regarder. On ne peut pas juste juger sur des impressions ou du prêt-à-porter. Il faut faire l'effort de regarder réellement les arguments utilisés par les uns et les autres. Et j'ai été amené assez récemment à regarder la situation du Haut Conseil des biotechnologies. Et là, je pense effectivement qu'il y a un grand progrès à faire en termes de procédure, parce que les procès d'intention prennent le pas sur la connaissance scientifique. Et ça, c'est souhaitable pour personne, y compris pour ceux qui sont opposés à ces développements. Est-ce que ça n'est pas finalement le rôle du législateur ou des pouvoirs publics de remédier un peu à ces problèmes en étanchéifiant un peu plus finalement la frontière entre le privé et le public, en poussant par exemple les chercheurs dans le public qui veulent aller faire une mission d'expertise à la démission ou à l'interruption progressive de leurs liens avec le public, ou à réformer, je ne sais pas, par exemple le statut de visiteur médical pour l'encadrer, pour permettre d'éviter de succomber à la tentation, pour en tout cas reculer au maximum les effets de la tentation de compensation financière que peuvent apporter des groupes industriels. Oui, je crois Anne-Laude. Que vous avez raison, le législateur peut faire beaucoup, peut créer ces liens d'étanchéité, ou en tout cas les conduire à développer davantage d'étanchéité. J'ai quand même le sentiment en santé que ces dernières années, le législateur a fait beaucoup. On peut même se demander des fois s'il n'est pas allé un peu trop loin. Je vais y revenir. Déjà, il a fait beaucoup. Donc, peut-être que ce qu'on pourrait faire, c'est permettre à toutes ces lois d'exister, aux gens de les connaître aussi. Elles ne sont pas toutes appliquées à l'heure actuelle ? Alors, elles sont appliquées. On parlait tout à l'heure, par exemple, du déontologue. Le déontologue, c'est quelqu'un qui est dans une agence qui va devoir vérifier toutes ces déclarations publiques d'intérêt. Simplement, est-ce qu'il a les moyens de le faire ? Est-ce qu'il a les moyens de relancer les personnes en disant « les avez-vous actualisés ? Est-ce que les gens savent déjà qu'il faut les actualiser ?» Donc, je pense que c'est énorme comme travail, puisque du jour au lendemain, on a demandé à toutes ces agences d'avoir ce déontologue, qui n'était pas forcément formé pour ça, d'ailleurs, et d'avoir ce rôle qui est quand même un rôle essentiel. Et puis, oui, on a fait peut-être un peu... Donc déjà, il faut faire vivre toutes ces lois, les appliquer. Et je disais, on a peut-être fait un peu trop, parce que J'ai le sentiment quand même qu'on parle toujours de la santé, et c'est normal, ces scandales sanitaires, ils ont été mis sous les feux de l'actualité, ils ont conduit au décès d'un certain nombre de personnes, donc c'est absolument normal. Mais vous le disiez, il n'y a pas que cette industrie-là de la santé, peut-être, qui peut avoir des difficultés. On a entendu l'agronomie à l'instant, le problème des liens avec les entreprises phytosanitaires, enfin... On n'est jamais très très loin, en tout cas, de la santé et de l'environnement. Oui, alors il y a l'alimentaire maintenant aussi. Récemment, on peut se poser la question. Mais on pourrait sortir de ces industries aussi et se demander si, par exemple, alors je n'y connais rien, mais est-ce que dans l'armement, est-ce qu'il n'y a pas des conflits d'intérêts potentiels aussi? Donc, Législateur... Ça ne serait pas impossible Chez les juges? Chez les juges, donc, sans doute énormément de secteurs dans lesquels il faudrait intervenir. Et je voudrais revenir un instant sur la question, sur ce que développait le directeur de l'Office, qui me paraît essentiel, c'est la formation. Je crois qu'effectivement, il a eu des propos intéressants sur la formation des doctorants qui seront les chercheurs dans 40 ans. Mais oui, je pense que pas seulement des doctorants, je pense que par exemple les étudiants en médecine, dès le début de leurs études, doivent, dans leur formation initiale, être formés à cette problématique aussi. Et puis aussi, la vraie difficulté, c'est la formation continue. Pour l'instant, on a toujours une formation continue, en tout cas en médecine, qui est largement, ou en tout cas qui est financée par les laboratoires pharmaceutiques et pas seulement. Alors bien sûr, là aussi, on essaie de mettre des écrans, en tous les cas législatifs, qui permettraient de réduire cela. Mais c'est difficile aussi de faire évoluer des mentalités qui ont, pendant des années, reposé sur des principes qui paraissent acquis et qui ne pensent pas avoir posé de difficultés. Une question peut-être aussi, pour aller un cran plus loin, puisqu'on parlait d'étancher ici un peu plus. J'ai deux questions, en fait. La première, c'est est-ce qu'aujourd'hui, la transparence est, à votre avis, un outil suffisant, c'est-à-dire sur la base du déclaratif, que ce soit sur le site transparence.gouv.fr, je crois, hein, c'est cela. Mm-hmm. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait d'être dans le déclaratif, d'annoncer, c'est-à-dire de donner accès à cette information aux seules personnes qui recherchent cette information est quelque chose de suffisant. Est-ce que vous pensez que les instances de contrôle interne des grandes institutions aujourd'hui sont en mesure de se protéger ou en tout cas d'empêcher au maximum l'irruption de conflits d'intérêts sur un système de transparence dit déclaratif, William Dabb? Je pense que ce que le directeur de l'Office disait est tout à fait juste. La prise de conscience a été faite. Les outils juridiques ont été créés. C'est maintenant une question de culture. Voilà. Et une question de pratique. Ces questions-là doivent devenir un réflexe. Voilà. Et un réflexe de la part des professionnels ou de la part des citoyens? De tout le monde. Les journalistes... ceux qui sont en situation d'expertise, les chercheurs, les enseignants, de tout le monde. C'est absolument essentiel pour l'avenir de la démocratie, parce que là, on voyait bien à quel point on n'est plus très loin de ce qu'on appelle aujourd'hui le phénomène des fake news. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que des diffusions massives sur les réseaux sociaux de fausses nouvelles peuvent venir influencer le comportement et le vote des citoyens et la sincérité de l'élection. Et donc, pour moi, au-delà de l'intégrité scientifique, qui est évidemment une valeur forte, il y a quelque chose qui se joue de la santé de la démocratie en général elle-même. Et si on poursuit cette pente de perte de confiance de la population vis-à-vis de tout ce qui est expertise, autorité, respect de la loi et des règlements, on est sur une pente glissante qui peut nous amener à un totalitarisme totalement stérilisant. Peut-être une question effectivement sur cette notion de la prise de conscience. Est-ce que ça n'est pas aussi aujourd'hui le rôle des professionnels de santé qui peuvent être visés par cette question de conflit d'intérêts, de se rendre compte que leur parole est totalement démonétisée à partir du moment où ils sont où le doute plane, c'est-à-dire à partir du moment où il y a déclaration d'un grand nombre de liens d'intérêt. Je reprends l'exemple qui est le nôtre, celui que nous avons vécu ici autour des statines et de la Fédération française de cardiologie, puisqu'il y a quasiment trois quarts des membres du conseil d'administration qui déclarent des liens d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique et précisément les laboratoires qui produisent des statines. Est-ce qu'aujourd'hui, la parole d'un expert médical qui déclare autant de liens d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique est une parole qui n'est pas démonétisée et que, est-ce que ça n'est pas à ces experts-là de se rendre compte qu'il y a un effort à faire précisément pour remonétiser, pour redonner confiance et pour redevenir audible par le grand public, Anne Laude? Oui, je crois que désormais les professionnels de santé ont cette conscience, mais je pense qu'il ne faut pas aller trop loin et considérer que parce que ces gens ont des liens d'intérêt qu'ils déclarent, dès lors qu'ils les déclarent, ils ne sont pas en conflit. La difficulté, et vous posiez la question, c'est est-ce que dans toutes les agences dans lesquelles finalement on doit faire cette déclaration, est-ce qu'on a les moyens de contrôler la véracité de ces déclarations? Me semble-t-il, pour l'instant, la question ne se pose pas encore, puisque le déontologue, déjà, il est amené à lire toutes ces déclarations d'intérêt. Il a déjà beaucoup à faire pour voir quand est-ce que quelqu'un doit se déporter ou pas. Mais effectivement, l'étape suivante, ce sera peut-être le contrôle de la véracité de ces déclarations, le contrôle aussi de l'actualisation de ces déclarations. Comme on est en droit français, on a prévu aussi tout un volet répressif, arsenal pénal. Et alors, qui fait appliquer les peines aujourd'hui? Parce qu'on n'a pas l'impression, alors à part effectivement, on en parlait tout à l'heure, le docteur Michel Aubier, qui a été condamné pour, c'était ce pneumologue qui a dissimulé au Sénat où il était auditionné sur le coût sanitaire de la pollution de l'air, qu'il était par ailleurs médecin conseil chez Total. On a l'impression que là aussi, et ça contribue certainement à cette fabrique du doute, que sur ces conflits d'intérêts, c'est une pratique répandue et qu'il y a finalement peu de gens qui sont sanctionnés pour ces pratiques. Alors oui, mais ça c'est peut-être aussi parce que l'arsenal législatif est récent quand même. Donc néanmoins, il est lourd, l'arsenal pénal, puisque les sanctions pénales, elles peuvent aller pour un individu, par exemple, d'un an de prison jusqu'à 75 000 euros d'amende. Et pour l'entreprise qui verserait de l'argent à un chercheur et qu'il ne le déclarerait pas sur la base transparence.gouv... Celle-là, ça s'appelle un pot de vin, carrément. Voilà, ça peut être 150 000 euros d'amende et jusqu'à 50% du chiffre d'affaires sur le produit considéré de l'entreprise. Donc, ça peut être énorme. Parce que 150 000 euros pour un grand groupe pharmaceutique, c'est une goutte d'eau. Non, mais 50% du chiffre d'affaires sur un médicament. Du médicament en cause, quand vous avez un blockbuster, c'est énorme. Donc, doute que la justice aille jusqu'à ces extrémités-là sur un produit... Ouais, William Dab, vous pensez qu'un juge pourrait un jour sanctionner un laboratoire pharmaceutique en disant « Pauvre, il y a eu un conflit d'intérêt, donc on va vous taxer à 50% des bénéfices ?» Pourquoi pas ? Vous y croyez ? Ah oui. Bon, donc ça veut dire que l'arsenal répressif, l'arsenal législatif répressif est aujourd'hui, pour vous, suffisant, à tous les niveaux que ce soit, c'est-à-dire qu'il s'agisse de conflits d'intérêt dans les hautes autorités de santé que pour le médecin qui va avoir tendance à prescrire le médicament que le visiteur médical est venu lui apporter avec un plateau, une rose et un petit chèque. Oui, et puis tout dépend de ce qu'on attend de l'arsenal législatif pénal et répressif. Là, dans l'immédiat, me semble-t-il, c'est pour sanctionner des pratiques qui peut-être ont pu être déviantes. Et donc, oui, il existe et il pourra être appliqué. Et puis, à terme, il sera aussi dissuasif. Eh bien, ce sera le mot de la fin puisqu'il est 16h54 et comme tous les jeudis, il est temps de plonger dans notre bibliothèque des sciences chaque semaine. Un grand ouvrage qui a marqué la pensée, l'évolution de la pensée scientifique aujourd'hui, c'est Jean-Jacques Cécignars qui nous parle des œuvres mathématiques d'Évariste Galois. La bibliothèque des sciences. Un mathématicien. mathématicien mythique, qui est Évariste Galois, mort à 20 ans dans un duel, et qui, dans la nuit qui précédait le duel, a écrit un mémoire dans lequel un très grand nombre de propositions sont restées, qui sont à l'origine de ce qu'on peut appeler l'algèbre moderne. Galois a été repoussé, rejeté en partie par l'Académie des sciences, et il a fini par l'emporter, je dirais même de façon posthume. Et Liouville, qui était un des académiciens de l'époque et qui a eu en main les travaux de Galois, les a jugés, enfin, et explique les raisons pour lesquelles il a eu tant de mal à se faire entendre. Et voilà ce qu'il dit. Un désir exagéré de concision fut la cause de ce défaut que l'on doit surtout tâcher d'éviter en traitant les matières abstraites et mystérieuses de l'algèbre pure. La clarté est, en effet, d'autant plus nécessaire qu'on a dessein d'entraîner le lecteur plus loin des routes battues et dans des contrées plus arides. Quand il s'agit de questions transcendantes, soyez, disait Descartes, transcendantalement claires. Galois a trop souvent négligé ce précepte, et nous comprenons que d'illustres géomètres aient jugé convenable d'essayer de ramener au droit chemin, par la sévérité de leurs sages conseils, un débutant plein de génie mais inexpérimenté. L'auteur qu'ils censuraient était devant eux, ardent, actif, ils pouvaient profiter de leurs avis. Mais à présent, tout est changé. Galois n'est plus, gardons-nous bien de le poursuivre d'inutiles critiques, laissons là les défauts, voyons les qualités. Lorsque, cédant aux vœux des amis d'Évariste, je me suis livré, pour ainsi dire, sous les yeux de son frère, à l'étude attentive de toutes les pièces imprimées ou manuscrites qu'il a laissées, j'ai donc cru devoir me proposer comme but unique de rechercher, de démêler, pour le faire ensuite ressortir de mon mieux, ce qu'il y a de neuf dans ses productions. Mon zèle a été bientôt récompensé. Et j'ai joui d'un vif plaisir au moment où, après avoir comblé de légères lacunes, j'ai reconnu l'exactitude entière de la méthode par laquelle Galois prouve, en particulier, ce beau théorème. Pour qu'une équation irréductible de degré premier soit soluble par radicaux, il faut et il suffit que toutes les racines soient des fonctions rationnelles de deux quelconques d'entre elles. Donc c'est un théorème un peu compliqué qui est tiré de Lagrange, que Galois a approfondi. Mais ce qui est important, c'est que la valeur de ce théorème, une fois les préjugés effacés et la chose même examinée, a été reconnue donc par Liouville, et on sait que Galois est resté comme l'un des mathématiciens importants du 19e et sans doute de tous les temps. Voilà la Bibliothèque des sciences, que vous pouvez retrouver comme toutes les chroniques et toutes les émissions sur le site de France Culture et sur la page de la méthode scientifique sur franceculture.fr. Merci beaucoup à mes invités du jour. Merci beaucoup Anne Laube. Merci William Dab d'avoir accepté notre invitation. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Eve Etienne, Céline Lozen, Antoine Beauchamp, Noémie Naguette, Saint-Vulfranc, Sarah Igemans, Sonia Leglen à la réalisation et Antoine Pitiloni à la technique. Et la suite de vos aventures sur France Culture, dans un instant, c'est le dernier épisode de la série documentaire de Virginie Bloch-Lenné et Clotilde Pivin, Écrire l'amour. Tout à l'heure, après le journal de 18h, Hervé Gardette, dans Le Grain à Moudre, se demandera s'il faut supprimer le ministère de la Justice. C'est une vaste question. Pour ce qui nous concerne, eh bien demain, c'est une table ronde consacrée à l'actualité des sciences et de la recherche. Il sera question, entre autres, des drones. On se demandera s'il y a de l'eau sur les planètes du système Trappiste. Et puis, on parlera également du blanchissement des coraux. Ce sera demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.